Psaume 149. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un nouveau cantique, et sa louange dans l'assemblée de ses bien-aimés. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a fait, et que les enfants de Sion s'égaient en leur roi. Qu'ils louent son nom sur la flûte, qu'ils lui psalmodient sur le tambour, et sur l'harpe. Car l'Éternel met son affection en son peuple, il rendra honorables les débonnaires en les délivrant. Les bien-aimés s'égayeront avec gloire, et ils se réjouiront dans leur lit. Les louanges du Dieu fort seront dans leur bouche, et des épées affilées à deux tranchants dans leurs mains. Pour se venger des nations, et pour châtier les peuples. Pour lier leurs rois de chaînes, et les plus honorables d'entre eux de ceps de fer. Pour exercer sur eux le jugement qui est écrit. Cet honneur est pour tous ses bien-aimés. Louez l'Éternel.